se féliciter. Un tempérament qui fait rire, parce que tout peut bien arriver. Le temps nous dit c'est plus facile si on met un zeste de citron dans l'eau. Changer le goût sans changer l'hydre. La vie est belle et pimentée quand c'est la vie qui pique, qui pousse comme un champ de blé. Veni, vidi, vici, c'est de la chance aussi. Tout petit à petit, l'oiseau qui fait son bonne étoile, lui, je n'ai pas de mea culpa. J'suis bien là et j'aime ça. Un zeste de féminité sur un corpus de gamine. Les langues sont facilitées. Juré, le latin, je l'aime en chemise. Good to you.